Thank you. Thank you.

m'étonne, ça hérite. Les braves gens pleins de raison qui respectent, eux, les limites. Je ne rêve pas, je sais, je vais quitter Paris et je vais payer pour ça. Je dépasse les limites aisément. Mr. Crew, guitar. Thank you. Mr. Tu t'en vas?